Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. As'alukum ma fil kalimat. Tawaffaq al-mu. Dash tawaffaq. Aqfala yuqfilu. Andak. Fermé. Muttajihun. Celui qui se dirige. Al-Jamalik. La loi. Amkana yumkino. Être possible, il est possible. Ba'd. Certain. Al-Husoul. Al-Husoul, je ne vais pas noter ce mot. C'est le mazor de Hassada Yassoulou. Et là obtenir, non? Non. Obtenir. Ça, c'est le verbe. Le verbe, c'est le. Là, c'est le mazor. L'obtention. L'obtention, là. Ouais. Bon, Foussoul, on n'a pas trouvé dans le texte. Ah, c'est Foussoul. Foussoul, ouais. Dans le texte, on a lu, on n'a pas vu. À la base, on a dit c'était le terme de fossil. En général, fossil, c'est une séparation. Ça peut être une saison, ça peut être une classe. Ça peut être différentes choses. Allez, un deck. Kef, tu kawin, ism fa'il, l'infiel, raïl soulasi. Comment tu fais ism fa'il d'un verbe autre qu'un soulasi? Roba'i, khumasi, ou un soulasi. On retire le ya du mot on est à c'est pas forcément l'ya, c'est la lettre du mot d'arrière. Des fois, ça peut être un hamza, ou un noun, ou un ta. Allez, on demande d'arrière. Et on est à mime avec une dhamma. Non. Et à la fois, on intervient. Misle. Masalun arsala. Ma wa ism fa'il. Arsala. Arsala. Mursaloun. Mursi. Mursiloun. Mursiloun. Ok. Mursiloun. Non. Taïb, j'essaye. Istakhraja, ça quoi son nom de Yomukinuka intajlisa. Comment tu feras cette phrase? Yomukinuka intajlisa. Dans la même forme. C'est ce qu'on a fait ensemble. Il y a donné deux formes de phrases différentes. La première avec le verbe conjugué et l'autre forme, d'une autre façon. Yomukinuka et Tajisa, ça veut dire quoi? Comment tu pourrais le faire? Changer. On a dit qu'en un, il y a dans un verbe, il en résulte quelque chose. Il y a une interprétation. Quelle est-elle? Là, ça, là. Si je te dis Yomukinuka et Tajisa, j'ai eu la même phrase, mais d'une autre version. Comment tu pourrais dire? Yumkinuka al-Julus. Le fait dans lequel un y rentre, on interprète par son masdar. C'est ce qu'on avait pris, là. Troisième. Yumkinuka al-Tahruja, Yumkinuka al-Khuruj, Yumkinuka al-Tahrula, Yumkinuka al-Tahrul. On a dit quoi le 4 Ada Salif Taïeb. Le Moussafir, Yuridou, El Khourouj. Le Moussafir, Yuridou, El Yahouj. On a fait la première ensemble, je crois. En guise d'exemple. Taïeb, Sania, El Moussafir, Yuridou, Hajj, El Makel. والمسافر يريد أن أحجز المكان أن يحجز المكان. نعم. Voyageur, le passager ou le voyageur veut regagner la place. Farifan, Andek. On a pris ça à l'instant. Nous devons ça et ça. المسافر يريد أن يحصل على يحصل يحصل نعم الضمة كسر الحاء الحاء كسر جدا المسافر يريد هذا الزبط المسافر يريد أن يحصل على التأشيرة نعم le voyageur veut obtenir visa رابعا المسافر يريد إكمال الإجراءات المسافر يريد أن يكمل الإجراءات نعم le voyageur veut compléter les formalités خامسا المسافر يريد أن يؤكد أولا إكرار الجملة الأولى للإكزامبل وensuite mais la transformation المسافر يريد تأكيد تأكيد الحجز. المسافر يريد أن يؤكد الحجز. الحجز. أيوة. الباصجير d'abord c'est quoi? Vous voulez confirmer la réservation et ensuite je demanderai le voyageur le passager veut la confirmation de réservation et après c'est veut réserver veut confirmer sa réservation. ولا غزابة صفتو نعم سادس المسافر أيوة أنا أكسر نعم تأكيد سيكوا سي مصدر سيكوا سا نعم مصدر أكد وليكو ديبي المسافر يريد مغادرة المدينة المسافر يريد أن يغادر المدينة أيوة جو veut quitter المدينة سابعاً المسافر يريد الوصول إلى قبرص المسافر يريد أن يحصل يصل وصل يصل هو بالباء يريد أن يصل ما هو قبرص C'est une ville juste au Waskada. An-Yasila. An-Yasila. Al-Musafiru yuridu an-Yasila ila Kubrus. Non. Tous ces verbes-là, tout ce qui nous met là, c'est juste, sont déjà passés. C'est-à-dire, des fois, quand on a posé un problème, revenir en arrière et regarder dans les tableaux, le vocabulaire. Vous voyez ? Par exemple, il y a Wasala. Il est, on l'a dépassé, il a dit Wasala. Il y a six mots. Il vous donnera un nouveau. Il ne veut pas vous faire de problème, vous mettre un truc que vous ne connaissez pas. Il veut vous faire employer ce que vous avez déjà pris auparavant. Vous voyez, bois ça là, attends. Quel der c'est là ? Je vais vous retrouver. Quel on l'a pris ? J'arrive. J'essaie de retourner, tu vois. Je sais comme les mots, il y a plein de mots que je vois. Il y a d'or, c'est pareil. Le waouh, il tombe. Il y a plein de mots, je retrouve pas. J'essaie de retourner en arrière. Ben toi, quand tu as fait le dernier d'aujourd'hui, tu remets au propre tous les mots que tu as pris. Le nouveau vocabulaire. Comme ça, au moins, tu as ton répertoire à toi et quand tu le recherches, tu le retrouves. C'est-à-dire quoi? Toi, tu n'as qu'à recopier tous les mots qui sont dans le kitab pour toi. Ça fait une noir à GA et en plus, ça fortifie ta mémorisation. C'est quoi? Bon, généralement, par deux, c'est pour combien? 10 mots. Enfin, le soir, tu les recopies. Pour Dofter, on a pris aujourd'hui ça. Et le jour où tu as un problème, tu retournes à ton Dofter, là où tu as écrit, et tu les retrouves directement. Inch'Allah. Crois-moi que tu vas, ça se capite. Je ne pas là, je ne sais pas où il est. On ne va pas perdre tout le temps à chercher le réel. Dans le mois de janvier, là. Oui, non, moi je le descends lui-même, tu vois, pour voir ce qu'il était. Inch'Allah, en tout cas, c'est ça, Yassilou. Thaminan. Un musafir, il veut dire, المسافر يريد أن يعود. نعم. voyageur veut le retour. رابعا. on les fait ensemble. Là. On les fait la première ensemble. Pas le reste. Juste le premier que Khurtoum n'a pas fait le reste. من أين أنت قادم؟ من أنت من القاهرة؟ تقول أنا قادم من القاهرة. donc la deuxième phrase. من أين أنت قادم؟ أنت من باريس. أنا قادم من باريس. مش هاي الفولة. من باريس. كم من هيك لك؟ أنت من باريس. نعم. القاهرة هي سبيشال كلاس. قبل المدينة. ساتين يقولوا الفولة، ساتين ما. ثالثا. من أين هي قادمة؟ هي قادمة من كراتشي. كراتشي. je pense que c'est l'équivalent. كراتشي. je pense que c'est ça. طيب. رابعا. أنا قادمة من جدة. جدة. أيوة في السعودية جدا معروف. خامسا. من أين أنا قادمة؟ أنا قادمة من القاهرة. من القاهرة. نعم. c'est la même que celle de l'exemple. sauf que là c'est féminin aujourd'hui. خامسا. أجيب الأسئلة الآتية كما في النموذج. إلى أين أنت متجه؟ بين طرق. إلى جمع لمو entre parenthèses. لفت بيروت أنا متجه إلى بيروت. إلى أين؟ من يبقى الأول يوصي؟ عقل. إلى أين هو مسافر؟ عندك؟ هو متجه إلى. لا مسافر. الثاني فهم. خمسون. هنا. نعم. أيوة. مسافر مت متجه تو بون لا ميم فاز تي ميك لو مو كا كومبورتي اون فو سيل كوريج maintenant là c'est pas bon suis le mot change هو مسافر الى القرى نعم هذا ثالثا الى اين هي عائدة. هي عائدة من الخرطوم. لا سي إلى سبمين. أقول إلى أين هي؟ نعم. هي عائدة إلى الخرطوم. فجاء غديا خرطوم. نعم صح. رابعا من أين أنت قادمة؟ toujours féminin pardon. Oui, Enti à point, tu dis, c'est Enti. Anna, Kadimatou, Min Baris. Très bien. À point, ça va. جوالي نفضل نحن من هو أفضل يا خلاص من شار جوالي أنا دف نحن ها هذا هذا من شار جوالي خلاص خامسا من أين أنت واصل؟ هذه من قادم؟ واصل. أنا واصل من الكويت. نعم. واصل سيد اسم فعل لكذا؟ وصل. نعم وصل. Bon, le 6, on a dit qu'on ne faisait pas. Il était toujours revenu. Il n'avait pas compris le morceau. Après, Natroul, qui Mazelna, fil Wahda Thania, fil Ders Echamis. Là, ça faisait partie, qui est de la lecture, Ikara. Al-Kalimat Al-Jadida. On va prendre le mot. Qaddama, yuqaddimu. Et à la base du mazal, c'est taqdiman. J'ai oublié, j'ai pas pris le tableau. Taqdiman. Qaddama, là, c'est présenter quelque chose. C'est un peu le même sens que salama, ou tout comme ça, sauf que là, c'est présenter. Voilà. Présenter, c'est-à-dire, je présente mon passeport à l'employé. Je présente mon passeport. Moi, ton passeport, tu me présentes ton passeport. Ça peut être aussi offrir un cadeau. Si tu dis Qaddama hadiya, c'est offrir un cadeau. Présenter une offrande. Mais là, ce qui est mieux, c'est dire présenter le passeport à l'employé. Fahassa et yafhasso. Fahassan. Tu me rappelles ce que je veux dire? Fahassa. C'est analyser. Non, examiner, analyser. Contrôler même. Hafila, ça c'est un car, un bus. Hafila, car, bus. Habata, yahbito, là ce qu'ils veulent eux c'est en fait, l'atterrissage de l'avion. À la base c'est descendre de quelque part, capico le ta'ala, ou ahbito minha jamia, ba'abit mouni ba'adid na'adou, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam et à Hawa de descendre de la terre, du fait qu'ils aient goûté du shajara, vous voyez. Il a dit de descendre du Jannah pour aller sur terre. Fahbitu minha jamia. Fahabata. Là, ce qu'eux ils veulent, c'est l'atterrissage. Rakiba. Adi. Ah là ? Ouais, c'est sûrement un rôle sur un truc. Un mariage ou un truc. Un mariage. Voilà, sûrement. Rakiba, yarkabu. Et le mazan c'est Rukuban qui veut dire monter sur une chose pour se déplacer. Donc être embarqué, monter dans une voiture, monter dans un. Ouais, il est déjà passé. Kadima Yakudomo. Il nous rappelle ce que veut dire Kadima. Kadima, c'est arrivé. Nam. Nazare Enzilou. C'est aussi descendre. Descendre. Et le mazan c'est Nuzulan. Nuzulan. Wadjaha, yuwadjihu, c'est faire face. Et le mazan c'est Taujihan. Ça y est. Faire face, ça peut être aussi donner du tchaïti. Man yaqra اليوم في كده يا التكست اليوم دي طيب قادم محمود من تركيا وبعد ان هبطت الطائره ركب الحافله المطار تفضل ترجم محمود est arrivé de Turquie نعم après la descente de l'avion il est monté dans le bus du aéroport. Et le moment. Ouais, Sina, ça se fait par au moment où. Ouais. Lorsque. Lorsqu'il est arrivé dans la salle de Rodon d'arrivée, et il est descendu de la du bus et il a rencontré l'officier des passeports. L'équipe de passeport. Ouais. Il lui a présenté son passeport et sa carte d'arrivée. Ouais. فحصل موظف الجواز وبعد ذلك وجه محمودا إلى صالة الجمارك طلب الموظف عاون وزي خلي صلاة دابا الموظف l'officier a analysé enfin a regardé son passeport et après cela il a fait face à Mahmoud. Là en fait la face وجه محمودا إلى صالة c'est que l'officier a dirigé Mahmoud vers. Ah non. C'est ça que tu veux dire par là. Ça n'a pas coulé. Ou je dis au cas, il est où là, c'est je te dirige vers là-bas. Moi, je te dirige toi vers là-bas. Je t'envoie vers là-bas. Moi, je comprends pas. Zalika. Bard Zalika, après cela. Taïs Michel avant. Ou Bard Zalika, après cela. Wadjah Mahmoudan, il est salé de Bujama Alik. Il a dirigé Mahmoud vers. La salle des douanes. Donc là, dirigez là. Talab al-Muwazzaf al-Jamarik. Là, ma fille, il faut aller à Muwazzaf. Talab al-Muwazzaf al-Jamarik, min Mahmoudin an yaftah al-Haqiba. L'officier des douanes a demandé à Mahmoud d'ouvrir son bagage, sa valise. Wajada Muwazzaf al-Jamariki. في الحقيبة بعض الملابس والكتب. L'officier des douanes a trouvé dans la valise quelques vêtements et des livres. ثم طلب من محمود أن يقفل الحقيبة ويتجه إلى بوابة الخروج. Ensuite, il lui a demandé, à Mahmoud de refermer. C'est plutôt il désira de Mahmoud. Il désira de Mahmoud qu'il ferme, qu'il cadenasse sa valise, qu'il referme sa valise, et qu'il se dirige vers les portes de sortie. Non, pas du tout. Il y a un truc qui est sur le texte ? Non. C'est aussi. Pas du tout. Et là ? Je vais tenter. C'est quoi? Pourquoi il est un tel? Parce que c'est toi, hein, c'est hier. Le sujet, c'est un féminin singulier. C'est qui le féminin? C'est qui? C'est toi, hein. Habata, c'est toi, hein, tout. C'est toi, hein, le sujet. Et Habata, c'est quoi ce nom de Mazda? Habata? Oh, je connais pas le Mazda. Quand tu es habitué, Hobo, Tank. Est-ce que ça dit Barda Hubout et Tayyar? Non, je pense que c'est Hubout, je ne suis pas sûr. Et il a mis à la dernière ligne Yattaji. Yattajihu, pas Yattajiha? Non, c'est Yattajiha. Ah oui, non. Après, elle est correcte. C'est comme tu dis Zahabat Fatima. Tayyar, Habatat et Tayyar. Mais là, je ne comprends pas. Parce que là, il n'y a pas de soukoun et je ne sais même pas. La kasra, c'est parce qu'il y a. On est entre deux lettres qui vont se rencontrer qui ont une soukoun. Comme on a dit. T'as un lif olem. Donc on met une kasra pour la liaison. Mais à la base, c'est une soukoun. Waïdon tout. Oui. On a comme assis là qui seront à faire pour Yomessep Shinina Raden Mafigas Raden Jouma. Awalen Yakoul Adib en Asinatil Adia répond question suivante. Awalen Min Eina Padima Mahmoudun. D'où est arrivé Mahmoud? Fanien Maza Qaddama Mahmoudun il Mouazafil Jawazat. Qu'est-ce que Mahmoud a présenté à l'employé des passeports? ثالثا إلى أين وجه موظف الجوازات محمودا vers où l'officier des passeports a dirigé Mahmoud. رابعا ماذا طلب موظف الجمارك من محمود qu'est-ce que l'employé des douanes a désiré de Mahmoud. خامسا ماذا في حقيبة محمود qu'est-ce qu'il y a dans la valise de Mahmoud. سادسا إلى أين اتجه محمود بعد أن فحص موظف الجمارك الحقيبة vers où Mahmoud se dirigeait après voyez, بعد أن فحص c'est après que l'employé des douanes ait contrôlé sa valise ou vérifié sa valise. La jumelle est واضحة. لكن فحص في المرضي ايوه انا يبغى اتكلم عن هذا يبغى في المرضي نعم يبغى ايش هي داود مفهوم نعم الفاظ مصطلح نعم طيب ثانيا اجيب عن الاسئله الاتيه في بون كاستيون سوفونت كيف سافرت من بلدك الى هنا comment tu voyages depuis ton pays jusqu'à ici. On peut dire qu'il y a pas. Fanien, Mada, Hamalta, Fihaki, Batik. Qu'as-tu pris dans ta valise? À la base, Hamala, c'est transporté. Porté. Vous voyez, là, c'est un nouveau verbe. Hamala, Yahmilou. Par exemple, Ahmil et Hakiba, je porte la valise. Je ne vais pas dire qu'est-ce que tu as porté dans ta valise, je vais dire qu'est-ce que tu as pris en fait dans ta valise. Mais on peut mettre, on aurait pu mettre Wadara, non? Ah oui, tu aurais pu mettre ça aussi, non? Là, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu veux transporter avec toi, quoi, dans ta valise. C'est qu'est-ce que tu as pris avec toi, dans ta valise. Thalithan, man qabalaka fil matar. Qui t'a rencontré à l'aéroport? Rabi'an, maza ya'malu mwazzaf al-jawazat. Qu'est-ce que fait l'employé des passeports? خامسا ماذا يعمل موظف الجمارك qu'est-ce que fait l'employé des douanes pour ceux qui l'ont vu ماذا يعمل موظف الجوازات il prend de l'argent il prend les poids de vin voyez même ma foule là comment on appelle la police tu m'as dit d'ici de, qui s'occupe de faire rentrer ou faire sortir des étrangers c'est comment ça MCSI. MCSI non à la base c'est eux qui s'occupent de ça mais eux s'ils viennent te chercher on peut rien leur dire mais à la base c'est pas leur travail c'est Shorty quand on parle de police Shorty c'est la police là. Shortor, c'est la police, c'est un shorty, c'est un policier. Non, je ne sais pas. Ça y est. La classe de l'Ubaf, c'est un café de Hala. Et Souel Shortor, comment tu l'écris Shortor, tout. D'accord, pas longtemps. Quand il dit Souel, voilà qui le. Ma fille a allé le Dars. Laissez à la Dars Elle a cassé une barre, tu vois. Allez, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.